بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما، في شرح صلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية، قوله لكافة شؤونك العلمية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم دعا جميع الوجود كله إلى عبادة الله تعالى، بعضه بالرسالة وتبليغ الدعوة وهم بنو آدم والجن والشياطين، وبعضهم بالتصرف ومعنى إلى آخره. كون في نيمون تي شرح صلاه الغيبيه موي في مو خامتاني موم لا واخ ني انت مانام موي بي مي ملال ينت صلى الله عليه وسلم نان الداعي بك لك باذنك مانام الداعي ادي ووتو بك نيل لا بك توكنديكو تي ياو لاكا نيل لا باذنك تي تكو مانام تي سنديغل لغي نك موي واخ نا قاولو واخ مو تك تي تكنيك مانام داخ لول الداعي بك لك باذنك لتكافه شؤونك العلميه Likafati likafati shuunika al almiyati, voilà. En fait parce que édition yi ni téré ni ci beur def am ay erreur moy yiñ dom yag nañ ko wax lolu erreur yoy mom moy yiñ yag suñu nako jak voilà depuis tambali téré bu légui voilà voilà. Ay ndax boone suunika oka dan al aliyati day ismaana bi du dik suun amana ndax suun me al ilmi yalla parce que borom manam borom du suuni dañu nekkon ci xam xamu yalla voilà comme niñ ko gissone suuni da fa nekkon ci wala xam xam borom le nek manu taala voilà. Kon mom kon manam bo xolé kon bat bi da nan adday mom yentou bi sallam moy aji wote bi ko di sukkandiko ci yow laka ñel la bi iznika jëm ci manam bi iznika sukkandiko ci sa ndigal manam jaara ko ci sa ndigal li kafati ñel mbolew shuunika sey mbir yi ak mbir ya yeb nga xamantene al ilm yete ko du xam xam manam nga xamantene wala dañu sukkul wala manam yoyu moy yi nga xamne xam yépp xam nañ tout tout ce qui est relatif à la science divine wala lepp lu am wala moy lepp lo xamne borom bi xamone na ni li dañu mësa am rek wala am na rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ jox ndigal ci mu woko ci mu wote jëme ci yalla ngir mom kon loolu la manana bi tek legui nak wax joju la qawluhu wax joju wax li kafati ñeel mbolim sha shuunika sey mbir al almiyati ko di xam xam yaani mi ngi ci nam neena manam limi tek annoo naka mom yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam te musoko daa dafa wote dafa wo jami al wujudi mbolam nekiti fi kullihi lepp manam existence ñep ila ibadatu ci jaamu jeme len ci jaamu allah bur yalla taala adikaji baabuhu way nak ñom ñep bokku ñu niñ deme ni muy wote ñep di dem ak manam boole minde fi yeenbi sa sam dañ ko wax ne ko mu wote leen jëmëlim ci yalla sauf que façon bi mu leen di wowe ci jëmë ci yalla modul ben ndax baaduhu len ci minde fi bi risala ci risala manam bataxal buñ ko jox la moy yoonu giñ ko yoonu wa tabligh ak jotale ak daawat wote gi wohum te ñom ñoy banu adama doomu adama yi non ay salam wal jinn ak jinn yi wa shayatin ak shaytan yi dina doomu adama yi jinn yi shaytan yi ñom dañ leena wax ne nañu len wo jëme len ci Allah mais yeen tim sala salam bimu len di wo li ñu jëme ci Allah dafa am ap bataxal buñ ko tax moy risala gi ha prophétie bobu nga xamantene mom lañ ko jox mu and ak alquran and ak sunnam sallallahu alayhi wasallam indi ko di jangal ko nit ñi ak jinne ak sheytane yi ñoom ñep ñu dem no waral jëm leen ci yalla fi nak amna laaj bo xam tan daal ko mom moy sanni bopam ah voilà voilà lan moy digënté jinné ak sétané voilà en fait jinné mom ñom tak tak lañ leen bindé comme niñ ko xamé comme nit ñi comme nit niñ ko bindé ci ban malaka niñ ko bindé ci lèr kon loolu buntu bobu ñom lèr donc xam nañ leen sheytaane nak mom jinn la mais sauf que mom jinn la bo xamantene amul mom ci lendeum yi kessé la bindo manam tak tak giñ ko bindé ci lendeum kessal ce qui fait que mom du bax mom xamna ni sax mom du bax mom d'ailleurs dafa xamne mom ni la mel mais tax sheytane legui nak sheytane yamul rek ci jinné mais nit tamit day nek sheytane amna nit ñoo xamantene yalla non la def ñoom non la leen defal mo da leen def ñu nek ay sheytane kon ci kaw loolu buntu bobu day daal nek zikrul khas ba'dal aan manam tuddu benn particularité ginnaw bu tuddé généralité manam tuddu benn am mbolo ginnaw bañu tuddé mbolo mi nga xamantene mbolo mi ñu mujjé tuddu mbolo moma ci la bokkon manam sheytane yi dañu nek jinné ak nit comme li ibn abbas wax radiyallahu anhu mun ash-shaytanu kullu mutamarrid min al-insi wal jinni wa dawab moy kep ko xamantene dafa fetirru bokku ci jinn ci nit ñi wala jinne yi wala dabay koku mom lañ wax sheytane manam comme niñ ko gisse ci tafsir bi manam sheytane moy li tax ñu nan ko sheytane ndax dafa sori ndax chatuna manam dafa sori lu bax wa dafa sori lu bax wala bok ñen ñene ci chatalu jige bi teki dafa manam ko xamantene dafa alko dafa rire dafa alko dafa sank ba pare dafa tang wala manam moy ko xamantene momit dafa alko dafa wala kon ki nga xamantene dafa fetirlu alko sanku ba kenn mënatu ko récupérer sori lool lepp lo xamantene xétu lu bax la lool moy sheytane koku nak mën na nek nit mën na nek jinné lool mom motax alquran ne wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura naka non lañu defale ñeël bepp yenent ay non yo xamne ay sheytane la yu jinni ak ay nit kon ay nit ak ay jinni gis nga yo xamantene yu wahi dañuy deeyante ba'dhum len ci ñom ila ba'dhin jeme ci lenen zukhruf al-qawli wax yo xamne waxi tiaxar la ghururan lepp nek ay worate ay illusion ce qui veut dire que lool la c'est à dire que sheytane nit ak sheytane jinni non lañuy defante tout temps c'est à dire que kenn ku ci nek dañuy bo dañu nek ay ci hein ñu tuddu ay collaborateur ay partenaire voilà kenn ku ci nek di jema conforter sa morom ci tiaxar yi ngeen ne ak diko jema jox ay idée yu bes ci ñu ñuy défendre tiaxar yi nga xamantene mom lañu nekké lolou yépp nak nek ay illusion ay wor ce qui veut dire que ni sheytaane nit bi day soxla sheytaane jinné bi mu koy conforter sheytaane jinné bi dafa soxla sheytaane nit bi mu koy jappalé ci tiaxan yi mu nek diko may doolé ci yenn diko ndeppal ak diko defal sen affaire ay tour ak xéer yoyu ak yenen ak yenen yo xamanteni dañuy soxlanté sen bir di jappalanté voilà manam sheytaane jinné bi mom muy fété nit ki ci côté jinné bi sheytaane nit ki so fété nit ki ci fété jinné bi sheytaane jinné bi ci côté nit ñi ba paré voilà manam di wax ak ñom di mëna am collaboration ak ñom ak tamit ñuy déyenté ay wax ay auditeurlanté ay auditeurl ay plan comme ni nga xamné loolu la ko alcorane waxé bimu nan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisqun wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yajadiluhum fa in ata'tumhum innakum la mushrikun bu len lek lepp lo xamantene ki daf ci nek manam tuduñu ci tour yalla biñ koy rendi parce que lolu ak genn top la go xamantene ak beut yon la manam beut yon voilà fisq du sax genn top parce que genn moy da nga jaar ci yon pour genn mais beut fisq lolu la manam da da ngay beut yon voilà innahu la fisq munewo inna shayatina li yor bor moy shaytané la yuhuna ila awliyah dañuy dey sen parando yi ci bir nit ñi manam li jale du ko bu ko defé yeen ñu dag sax tek yeen non affaire bi dara neeku ci garawul xam nga rek gaay ñoy tangal nangam voilà di len inspirer ay idée aussi mais inspirer ay idée comme niko ci sababu nuzul ay li shaytané ñewon iblis waxon wa makka ni len waaw legui dama len di lat xar mi bu dewe te kenn rendi wuko mu jek jek rek de waaw ku ko ray ne xana yalla ne wa gore way yalla ko ray dara tagana lek ku dedet waaw wa leg yow boko rendé kuko rendi da xana ñun ni mu dagana lek li yalla ray daganuta lek waay yow li kare daganna lek gis nga deeng nga sheytaane dañuy non la en fait sheytaane non lay def daf lay jox ben luy nur argument bu rafet wala ma inna shayatin gis nga la yuhuna ila ci du lolou kessé ci lepp la sheytaane tout temps day jema dem ci parando wom yi motax leleg nit di wax ak yow fek sheytaane moy waxti laminam budul mom sheytaane ba pare budul mom ab sheytaane la parce que leleg mom ci jëmmi bop ab sheytaane la comme niko alfa wax sheytaane nit ak jinné kep ko xamné aji fetir lu la bu yalla li yalla yi diglé nangou ko top li yalla lay téré nangou ko bayyi ba nopi di xirtel laté ci di jaar ci yoon bobu bolé ko mu nek ko xamantene day soxoré ka iñaane nit ñi ci lu baax ak yu démé nonu ko ku mel nonu koku sheytaane koku mom matnu sheytaane koku ab sheytaane sheytaane nak bokul comme ñun niñ koy xolof ñun wolof souvent buñ né diou sheytaane la moy lay rambaaj lolu c'est parce que roule le ci roule sheytaane effectivement bu fekente né lolu jikko nit ci koy ko yor boko bolé yiñ jotta wax ni lolu mom moy sheytaane bu mat seuk bu dara lesu parce que amna ben trophée bu sheytaane di joxé iblis ci bopam comme hadith wax sax imam muslim rahmatullah alayhi ci geej la nek sheytaane fofu la def ben trône ci geej wala dañu wax sax la ci océan pacifique bu la nek comme triangle de langue tuddu de bermit wala wala parce que en fait dafa am ben djinné les années sumu du c'est les années 90 wala 80 80 90 ci dal djinné bi dafa tout dafa tout ci dafa am en fait ben xalé la won mom côté Inde yo la dan djugé di ñew mom néna gis na Iblis ñett yoon parce que ñom ku ci juddu ci ñom dañ koy jël yobbu ko ci Iblis mu def ben genre dina am dal ben affaire bu mu lay defal moy xéetu comme boudé ñun technique ak yoy quoi voilà man xéetu bénédiction yoy mu lay defal ki wala ndax xam nga moy seen mom ñu ñep voilà légui fofu lañ koy yobbu mune mom kon mune mom jot na gis Iblis ñett yow fekk dafa tuubon en fait liko tuublo moy dafa dugg ci ben ndaw dafa am ndaw su mu songon makka après ndaw si ñu yobbu ko ci ben imam imam bi fat ko diko fat nak légui rek ci le génné lu jinné bi nekk ci mom tuublo ko légui jinné bi muneko yow fan nga muné mu gis ni muy laccé ci gattal dal ni muy laccé muneko feulé la dëkk côté Inde yoy la joggé sauf que day ñëw makka ni de temps en temps parce que dafa gis ni muy waxé arabe bi ni taxuko lèr ko day takalé quoi voilà muneko kon yow dëkko fi muneko parce que Inde la dëkk nangam nangam bon voilà yoy quoi bi mu déllu sé bi mu muné ko kon lo fi def ki muné waaw mo bo de temps en temps damay doxal tout suite di ñew fi ni ndaw si nak ci la ko gisé après mo bëgg ko mo dugg ko fekk bobu jinné bi ay 100 ans yoy la amone bon fekk xalé la xam nga jinné 100 ans xalé bu ndaw la légui voilà légui nak jinné bi légui nak après mu tuup xawmu won nak touram avant mais bimu toubé Mustapha Kandjoul la tuddu peut-être Kandjoul moy sen sante voilà légui nak après ci la nango bindu mom ak ki bobu imam bobu non ci la nango bindu ben téré ni bu wax ci jinné yi ci seen mbir yu bare bare mais même mom sax yenen jinné yi sheytaane yenen jinné yi sax dañ koy guété ce qui fait que amna yenen nak jinné ño xamantene dañ koy ar quoi yenen jinné julit yugo ar legui jinné bobu mom moone nak Iblis effectivement fofu la nek ci océan pacifique bi non effectivement fofu dañu yagg sendu sax né en général batay buñ fa duggé dañuy voilà voilà xam nga fekk imam fekk yannabi sallalahu alayhi wasallam waxon na né Iblis manam hadith bi may wax ni né Iblis touronum bi manam dako tek ci ndox wala ci ndox la nek comme mi hadith bi wax exactement legui Iblis chaque jour day xey amna trophée bu muy joxe bo xamantene ki gëna def li gëna doy war ki gëna yak koku la koy jox tous les jours buñu xeyé ñom lañuy daw tassaro manam bu xeyé day woté gaay ñew mu daldi wax né trophée baangi ni noy ki nangam acca dawlé gaay tassaro ci aduna jinné tassaro compétition wa bu kenn ñëwé yow lo def man dama fekk ben way bu julli ma fexé ba jax jaxal ko nangam bu way top feul defo dara yow noy def dama fekk ben way ma fexé na ba manam dal kenn ku ci nek wax li nga xamantene mom nga def bu ko defé mo ne la non yow defo dara mais ben way moy ñew bo kenn ku ñu man dama fekk manam baye ak dom jëk rek jabar et cetera xay xarit yo xamne ben bakkar la ma fexé ba tass sen digënté yaq ko fimu to dootu ñu bañu xex dooranté rayanté dootu ñu tudanté bu ko defé Iblis nak woy yow la yow woy wala dal djël anta wala dool dal mo may gagné trophée bi wala ko dal gagné trophée ñu jox ko coupe wala koku mo may gagné affaire bi tous les jours non waaw tous les jours non lay wax tous les jours sa yu xeye dina wax gaay nañ dem ata nañ tassaro di waaw après buñ ñëwé ku gëna liggé rek ku def ku fi rek mu nako wala après bu jox la trophée maay djeglu amna laaj fi bo demé ba nek walu yu kamil ma deug deug walu yu borom subhanahu wa ta'ala defal fatkhu ak yoyu vraiment nga bok ci nitu yalla yi ak yoyu yu makki ci yalla yu makki ak yoyu ala sunu est-ce que shaytané day yoni soldaram yi wala est-ce que mom mo lay song en personne non iblis avant da dan songat ñu légui do songat parce que en fait iblis légui dafa magge go xamné légui dootul songat mom fofu la nek day yourné nak mais nak amna ño xamné ba tay ci nañ manam dalena former bu baax parce que mom bon tu imagine hein que ni mën na former ñu melni mom d'accord voilà mais ben la parce que ñu melni mom la ko do Vietnam yu gëna mak yi day yourné voilà ñu ñew voilà way mom du bouger fofu nek waaw mais en fait manam mbir mi nekul comme niñ ko fogué manam du comme day ñew melni kuy ñew di taxaw di jema songu du def du mbir bi demul non tam manam demul comme niñ ko fogué non nga xamantene daf ko jaral déplacement comme avant nim daan def comme ni jamono yantabi sallallahu alayhi wasallam nga xamna da daan ñew comme wa quraish biñ doon wajal ki mom mo ñewul bopam manam biñu bi yantabi sallallahu di gaday avant muy waté gaday muy fexé pour bu gaay bu mu recc waaw comme le alcorane wa iyam kurubika alladheena kafaru yusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin fatlikul bi nga xamantene yéféri ñi ngi lay teural pexé fekk bobu daru nadwa lañ defoon ben réunion ndefé réunion bi daru nadwa moy assemblée nationale angoro non lañ ko mëna wax quoi wala ki maire bi ñu tuddu conseil municipal voilà wala bok conseil de sécurité bu ONU comme genre bok lool moy daru na wax manam mëne ñu ko gam lek ben bu nek yoy ci selon niveau bi voilà parce que ñoñu bon jamono jox no fa nekkon ñu def ben délégation bu reuy bon légui nak mom ki ne man naj de la jugé Iblis ñew ne len fofu la nadd la joge ndax deg sen réunion bu am solo bi ma xamne am mu yek solo bu mag gi mu amé motax mu ñew fekke ci ko man ba magatu la bu digé fofu wala deg ay gaay wax bi ñu togué né nan légui nak bon pexé la ñi teural parce que dañ né comme gaay julli ñangi dem di gadda yi té yent bi sallallahu alayhi wasallam buñu deful attention dina recc té bu reccé day amé ji doolé té bu amé doolé day ñëwaat songu leen dal seen kaw donc comment nan lañuy def voilà comment faire voilà lan mo ci pexé am ku jog né li nga xamantene man dal mom la xalaat mom moy dañuy wut neek bo xamantene dañ ko cey duggal manam xétu kasso wut rek fo xamantene de temps en temps ben pax ni rek fo xamne ay lekkam ak yoy dana ko fu meuna fek waye dal ñu tejj ko dal ñu teye ko moy yusbutu ko wo manam dal bu mu genn mukk du gennati mukk iblis ne ko o sa xalaat baxul lima nakkar rek moy dana recc dama nakkar moy waji dana recc du dox sa xalaat baxul ndax bu lolu soko defé ki di ñew légui mom dafa bëri ay soppé té dafa bëri pexé gaay ñoy ñew légui voilà tok ko génné ko kenen daal jog né bo man luma xalaat moy nañu ko génné ñu génné ko dëkk bi té mënu lé yow sa xalaat baxul hey luma nakari moy waji dina recc rek yow bo guéné dëkk bi day dem am wuti ci doolé ñu wat boko exil ana pexé mi nga xamné mom lañ ko wara teul légui bon kenen daal di ñëw né moy li xuju ko té Abu Jahl manam mu ñëw né ñun am nañu bénn pexé manam man limuy proposer moy nanu fexé ba groupe comme xam nga makk ay tribu yu bari ñoo fi nek tribu bu nek wa keur gu ne manam moy waaso bu ne nañu wut aw xej wala jaas ñu jox ko su ko defé xam nañ fi mu ne ñun ñepp guddu joté rek ñu dem rek bayiko bu muy genn rek ñu jamando ko ñepp jamando ko su ko defé buñ ne ku ko ray finalement kenn ray ko en fait finalement hein finalement kenn du duñ ne diwula kenn du ne diwo ko ray bu ko defé mbokam yi duñ mëna top dérèd bi manam duñ mëna né comme yeenañu ray acca yeen ray suñu dom ay wonañ dem xex dañuy xex ak yeen wala dañuy fay wala yeen bu ko defé dañuy daal wut compromis lac rançon né wala na ñun ñepp ñu cotiser bu boba affaire bi day woyef ci ñun ñu cotiser fay leen sen rançon et puis voilà quoi ñu faré ci iblis ne ko wa kay wa ayo sa xalat bi mo bax wala comme xam nga lolu par exemple ak badar sam ni won na mu déggé ciol badar événement bi ni mu amé won solo non mom dafa ñëw déplacer wu mom ci bopum wala ñëw fekk ci affaire bi mais bi ki bi moy la alcorane inni jarun lakum moy ci wala mom la alcorane wax na mom iblis dafa ñewon ne len man sen gan la nangam ben para mom tam ne wala man la mais bi affaire bi tangé ba mu gis ay jibril ñom ki malaka yi ñew dafa daw wala affaire dafa daw wala bu gaay xamé ko sax ni pa bi daw na ak yoy bo mu ne len yeen da ci la len waxe inni akhafullah inni ara ma la tarawna inni akhafullah man damay gis yeen lolim gisu xam ngeen lan la man dama ragal yalla dawna bo wolu wa da di daw mais bi affaire bi tangé fim tolo ni ci dess ñoo mënu ñoo raw parce que affaire bi tang na mais mom mi len don ki men nañ ko def hein voilà motax iblis sheytane tout temps non lay def nit ni da lay duggal ci toxe doona ba nga dem ba nga xamantene deg dug nga fo xamantene mëna to fa genn nak mune ah man nak finalement xamna ni dal motax juf joju tam amna nit ñu mel non ño xamantene tout temps non lañ mel manam ñom tout temps dañ lay encourager ci muy me nañ ki dangam lañ def li nit ki hein bo lan demé ba ci bir nga xamné yow nak mënatu guen ñom nak ñu daldi roccé ko nan non mais man nak finalement affaire bi xamé mu ko won ni non man bon voilà et puis bon voilà quoi dem na dal dem manam yow légui mënatu ci guen amir amna nit ñu mën non mom ka masal shaytan iz qala lil insani kfur ay traiter ko voilà falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allah rabbul alamin Cheikhana non lay def day wax doom adam ni ko wedd yalla bu wedde yalla muneko ah man nak deñ na ci yow man dama ragal yalla bi borom bi def au revoir adieu dem yo mais cheta manam iblis lolou mu dan def ak leg tam yenn mbir yiñ ko dan netal comme nitu yalla yu jekk yeug yu mel non legui defatu ko wala legui dugutul ci yoy bon benen affaire tamit amna ci mom moy do toute façon ben la parce que ñi mi yoon mi ngi mel ni mi ngi fi wala ñu mel ni mi ngi fi maintenant nak mbir mi demewul comme wala ci la doon ñew demewul comme niko ñu bari foggé né day ñëw pour di la di wax ak yow ci non sétané fi mi réagiré ci sa xol la parce que ko sa bakkan motax tout temps mom day jëma fexé ba bakkan note la mom sétané fofu lay réagir voilà non yi nga am ñent yoy la moy sétané bakkan lan aduna ak banex voilà aduna mom bu fi banex nekul ak bakkan duñ ko mën jëfëndiko motax mom dañ leen di bayyi banex ak bakkan ñu koy jëfëndiko sheytaan la jëm la ko rafetal jeex fa zayyana lahum sheytaanu a'maluhum fa hum ya'mahun comme ni alquran wax sheytaan mo leen taralal seen jëf yi ñu nek di dengi dengi geulum geulum nek ci geulum voilà seytane kon mom non lay def parce que aduna kessé mënul liggéey def mënul def dara aduna kessé il faut que banex moy ñu doon wax sank ci aduna yoy il faut que banex yi ak bakkan ñeu taralal lako ngay gis ngay mëna nek ci lool manam aduna lool la non lay def voilà legui sheytane moy ñeu won lako taralal ko et cetera voilà mais mom xamna ni boudé mom ak aduna kessé duñ la def dara mais il faut mu jaralako ci sey bëgg voilà sey désir ngay baña doyul manam bakkan dal ci bakkan parce que ak banex bakkan tamit mom kessé sans banex souvent du man dara ay pulsion sans pulsion ak passion désir bakkan mu du def dara donc mom day fexé ba désir bakkan di aspirer ci désir ak passion ak pulsion jeex na affaire yépp li la voilà sauf que nak nit ki bu démé ba nek ci ponkol bok ci ponkol arif billahi cheikhane du ko djégé parce que xolam day am lèr bu ci nek go xamantene mom cheikhane du ko djégé day daw cheikhane du djégé ku mel non day daw cheikhane ñaar mbir la ragal ñaar essentiellement ñokoy dakk ñum seytane nit sax ha ñum seytane nit ñaar ñoon da leena ragal mais seytane jinné mo gëna ragal ñoon mo leen gëna ragal té mom la affaire bobu li ëpp effet ci mom que seytane nit parce que seytane nit malgré que ragal na ñaar yoyu mais mën na résister ci lolu ak risque yi mëna andal yépp ci mom mais sheytane jinné mom ñaar yoy mënu ko résister bu ñëk bi moy tuddu yalla zikr comme hadith bobu di wax ci surtout ay noddu ak liqam par exemple comme ni ko hadith bi waxé mais bu ñu noddu sheytane day daw et cetera voilà hein mais leg ñuy zikkar sheytane na fi comme bu ñuy jang alquran ak yeneen ak yeneen boy julli comme par exemple leg ngay julli sheytane ñu dila jox joxat te pourtant yaangi zikkar yaangi jang alquran ak yoy mais noddu spécialement ak liqam ak tamit combattre a'udhu billahi minash shaytanir rajim bu joge ci nit ku deggu ni lool da koy dawlo voilà ak comme ni zikkar ni zikkar mbolo ni souvent day daw lo setan setan gis nga nimu amé ci jinné yi ci nit ni nit ni comme ni bu ko xamantene day tass ak ben jinné ni ci mbéd ni wala yu mel non jinné bi faddu ko ñoy saddu ko comme ñoo moy saddum jinné bokku lañ wax majnun moy ku saddum jinné dal voilà wala ko bon xel mi dootul fi nekati parce que dafa jommi wala ku jommi sabdum jinne moko dal ak yoy wala koku majnun la mais non tamit la amé ci ñom nit ñi ci ñom jinne yi ko xamantene ki nit day sikkar mu rombu fa tassé mom sikkar bi jommal ko mom tamit faddu ko ñu nan ko manous ñom loolu lañ koy wax ñom dañ koy tuddé comme ku nit sadde ci ñom manam moy zikkar kon gis nga zikkar dalen di voilà dalen di loolu lañ ragal wax sheytane nit aussi sheytane nit souvent bugul fu ñuy tuddé yalla di ci souvent duy faral di bëgg di tok fofu du fa yag bu affaire yi commencé ki def ñu woon ñu dañu sof quoi bo le doom affaireu yalla rek lañuy wax dañu doot xam nga et puis voilà dañuy jaay yu amul ki nangam dañu eppal xam nga li sax yalla waxuko nangam voilà di tout temps ngay wax ci yalla affaireu tamit bon aduna lañ ne quoi xam nga ki manam mom yoy da koy déranger mais mënu jima résister malgré que da koy déranger cheytane djinn nit ñoy am ci lolu mais cheytane djinn mo gëna grave parce que mom affaire bi da koy jommal manam comme nit nit ku jommi gis ngeen mi mel après ni mi dof cheytane djinn yi tamé ñom buñ bu gaay dé zikkar ñu rombu wala ñu jima aventurer wu dugg fa lolu mo leen di dal dañuy jommi dañuy affaire bi la da bu ko defé ñu nan ki day nitako sadd ci ñom manous lañ ko wax lolu ben la ñaaral bi moy xolu arif billah xolu nit ku sel koku sheytane da koy daw sheytane jinné du tok du taxawalu fofu xam nga fe sax boy zikare day ñew bo paré ci kar mu delu ci bo zikar mu daw bo paré ci kar mu delu ci alors que boudé sheytane boudé arif billah ni mom dafa am solo léram ni mu tollu rayon bobu yépp sheytane du fa djégué parce que bu fa ñëwé bu duggusé ci rayon bi xol bi ko leer bi da koy lak motax day sori place bobu da fay sori wala du nango aventure wu ci jotay bu mu nek wala ci environnement bu nek wala ci ngey gisse ni comme yent bi do wax sallallahu alayhi wasallam ci sayyidna umar radiyallahu anhu ne bu soobo ben yon ni da ngay gis sheytane duñ fa jaar dañ jaar fenen voilà sheytane day jaar fenen voilà donc yoyu hein kon sheytane jinné ak sheytane nit kon ñom ñaan ñep ay xéetu sheytane lañ lele nak yenen yi nga xamantene mutamaridu manam minat dawa bi ci daba yi nga xamantene dañuy fetelu ci daba manam dañuy fetelu moy comme tay par exemple xar mo xamantene par exemple nanguuto womatu par exemple tay di daw di tepp di ki di mbeuke ak yu mel non wala xat bo xamantene day songate di matta di ak yoy hein koku motax bo xol koku tam sheytane lañ koy wax même bo xolé li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ne xet bu ñuul bu jaaré ci sa kanam boy julli day yaq julli gi ndax lan mo ne parce que xat bobu xat bu ñuul sheytane la parce que lutax parce que xat bu ñuul souvent ñom moy ñoy gëna soxor ñoy ba fa ra dañuy yor ay jikko yo xamne yeb bo xolé jikko sheytane la manam soxor di bëri nelaw han ak di manam ba pare nek ak sheytane dafa yomb ci ñom sheytane fréquenté len di taxo ñom dafa yomb ci ñom donc ci buntu bobu la len waxe ni sheytane la voilà ak comme tay par exemple fi mi waxe nan nit ki su lekke yap guldem ba pare mu japp manam dañ ko sop parce que dañ ko bindé ci sheytane manam ci jikko sheytane wa ak ni gillem yu dañ ko bindé mu nek sheytane ci bopom mais xol tam na sheytane ah ndax dañ ko bindé ci sheytane manam comme ni alfa da khulqal insanu min ajam ak khulqal insanu ajulan wala nit dañ ko bindé ci yakamti nono tamit gillem non lañ ko bindé ci cheytane lolu tax wala manam ci buntu bobu la et que cheytane wala et cetera bon ala kulli hal légui pour revenir ci pour teunk moy né hein am na la fi sank li nga doon wax ci imam bobu nek mak té mo bind téré bi ak djinné bi est ce que mën nañu jox manam tourou man xawmako dédé jappmako téré bi man ci sama djëmi bok musumako gis d'accord ku ko wala ci ku ko gis moma don expliquer li nek ci théorie bi yoy. D'accord. Voilà. Voilà. Légui kon pour teunk moy sheytane. Manam dal de amna ci jinné yi sheytane manam amna ci nit ñi ci kaw lolu c'est que sheytane nak ñom kon ay nitu lendeum lañ ay astaghfirullah ay mindeefu lendeum lañ mo xam nit la wala jinné té ñom dañuy nekk ño xamantene ñom amuñu benn espoir ci delu ci wat ci lu bax d'ailleurs mo tax ñom seen xaal bobu duñ ci sax jëma genn ñom nan lañuy fexé dal moy nuñu duggalé keneen ci lañ nekk ak nan lañuy yaqé ak nan lañuy manam dal nekk ci li tax ci lañ leen bindé manam moy ci lëndëm lañ leen bindé contrairement ak malaaka yi ñom loolu lañu wuté contrairement ak malaaka yi am ci leer lañ leen bindé contrairement ak doomu adama yi nga xam manam doom kon jinné ak manam malaaka du nekk sheytaane mais jinné mokoy nekk ak nit voilà loolu moy buñu génné wuté bi nga xamantene mom mo am ci né iblis ndax jinné la wala malaaka la bu fekkete ne malaaka lon c'est parce que malaaka yi té loolu attention moy waxu li ëpp ci tafsir kat bo roxo xom tafsir voilà quant à wax gi nga xamantene mom la alquran ne kana min al-jinn li ibn abbas wa radiyallahu anhu manam mo ne jinné man ak jinn min al-malaaka moy malaaka yoyu nga xamné ño daan gardé aljana ñoñu jinné lañ leen tuddo al-jinn al-jann motax wa khalaqal janna min marj min nar et cetera manam kon jann gogou ñoñu manam il faut faire attention ci mas'ala bob ñu bari dañuy doy dal waxu ñen ci manam borom xoxam bi ak manam melni xétu critique buñu leen di tek ci wouté bobu alors que il faut faire attention li upp ci borom xam xam dañu japp né iblis malaaka la won lool moy li upp ci borom xam xam yi y compris fahrul umma habrul umma wa turjumanul qur'an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ak imam mufassir moy kat imam mufassir moy kat tabari voilà al imam abu ja'far at tabari rahimahullah ak ñeneen la li upp ci borom xam xam tafsir yi mufassiruna yi liñu japp moy ne iblis malaaka parce que ñu bari dañuy layé kana min al-jinn fa fasqan am rabbih mais mbir mi su simple lay wor non wouté du ci am mbir mi su don da nga nan alquran neena kana min al-jinn kon jinn la mani lolu doy lay parce que lo attention xolal benen jinn amna xass ka wal alquran amna benen jinn wi tek malaka fofu bim nan moy ci sourate safat dan wala qad alimat al-jinn innahum la muhdarun wala qad al han bobu non wala mun yaquluna walada allah bobu non wala qad alimat al-jinnatu annahum muhdarun wa mais fim nan amna nako lako diko wax way mun yaquluna walada allah innahum lakathibun ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون voilà manam ñom wax biñu wax ne yalla dafa am doom xam nga té loolu du dëkk liñu wax yoy yëp dañuy nar té ñom waxu ñu ni jinné ñoy doomu yalla mais malaaka yi lañ doon wax ne ñoy doomu yalla yi wala waja'alna liman yakfuru birrahman naka lako rasul astaghfirullah wa sawfu zukhruf nan wattakhadha wa qalu takhadha allah walada subhanahu bal ibadu mukramun de du bobu be bobu wi nan wa ja'al alladhina ana subhana rabbi allah na alladhina 'inda ar-rahmani inasa wa 'ibada ar-rahmani inasa ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alunaka wa hada sa moy malaika la do wax wala wa ja'alu al-mala'ikata alladhina hum 'ibada wala mo wa ja'alu al-mala'ikata alladhina hum 'ibada ar-rahmani wala ci meneen jang bi 'inda ar-rahmani inasa wa kay lol la ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wala sortu zukhruf la wala manam ñoo dañoo japp ne kon malaaka yi nga xamne ñoo nek fa yalla gis nga wala wi adjibe dañ wala bok ñoom ñu xam ay jaamu yalla lañ ñoom lañu japp na ay jigeen lañ ha ñoom lañ japp tamit ay doomu yalla lañ wala wala wattakhadha min al malaikati nawara inasan wa yakana wala mais en tout cas dal ñom dañu japp na dal yalla mom doomu mi malaakaay ñom ay doomu lañ doomu yu jigen lañ ñam ñom day moy moy la la la la question sur le sexe des anges en fait moy question cette question vain inutile futile voilà bobu non nga xawé malaakaay goor lañ wala jigen xam nga ya lañ yalla sam c'est ça gis nga lolu moy mom lañuy wax donc ñom dañ japp ne mota alquran fof jinnatu bob wala qad alamat jinnat innam la mahdarun moy jinni jinnat fof malaakai lay tek voilà et puis jinni mu ngi joggé ci xam nga jinné li tax ñukoy wax jinné contrairement ak nit ins xam nga bok na ci al insan manam nit bok na ci li tax ñukoy wax nit bon ci plusieurs raisons comme bon ci waxon nañ ko ci tafsir bi moy par exemple dafa joggé ci anasa bi tek sien manam le fait que donc nit nek ko visible ko exposé wu ko ñuy mëna lamb diko daj et cetera ko xamantene dal mi ngi ni voilà mënef na ko percevoir voilà kok moy anasa manam ci anasa bobu la joggé alors que jinné mi ngi joggé ci janna bi tek leubatu leundum laqatu deng voilà deng motax comme ki nek ci biiru yaayam mo lay wax janim parce que dafa neubatu mom fim tolu ken gisuko xol mom lañu al janan ndax dafa neubatu mom xol li nek ci biir fim tolu bu fek exprimer woko duñ ko gis voilà donc jinné déjà fofu la joggé terme bi rek fofu la joggé té malaakai non lañ mel ce qui veut dire que ni kon bo xolé mana bu gëna global té ki moy kana minal jinni iblis dafa bokkon ci groupe bobu boko bolé li ibn abbas radhiyallahu anhu né jinni minal malaikati la c'est que ñoñu bénn groupe lañ woon ñoroon garder adja iblis ci groupe bobu la bokko mom lool la wax et cetera lool moy suñu considérer iblis comme nek malaaka lool la wax buñ considérer iblis comme nek malaaka da ngay gis ne kon malaaka la bo xamne dañ ko soppi comme ni yalla soppé ay nit ñu nek golo non lañ soppé malaaka jinné bi malaaka bi mu nek sétane manam dakonté wul amul dara lu dakonté ci né iblis mën nek malaaka lolu amul dara lu ko dakonté ak mom né bok nek malaaka law amul lu dakonté ak mom surtout que bo xolé fi ibni mu ne fa sajadal malaa'ikatu kulluhum ajma'una dengo fa sajadal mu sujud al malaa'ikatu malaa'ika kulluhum ñom ñep ajma'una mbolam seet illa iblis bam dess iblis lolu makna bi gëna jégué moy fa ci ñan la bok lolu moy bi gëna jégué ñuy nak benen maana mën na nek moy mu bok ci jinni e que bu boba istisna bi nek mën fasil voilà lolou mën na né mais dal manam du pour notal ben ci kaw benen mais pour wax la né il faut pas que ñu tasfih manam di japp né manam borom xam xam yi wax nan iblis malaka la mu melne limu wax dafa tumranké wul wa té lool moy waxul ëpp ci borom xam xam yi naam buñu sétlo jamono yu mujj yi ñu ëpp ci man ñimay di dégg ñuy wax wala yoy damay gis né dañuy notal tout temps que ni iblis jindé na ñom dañ lool lañuy faral di notal mais bo xolé sen lay yi souvent moy ay khanamina jinn bobu mu wax ak yu mel non té lool du lay bu dëgeur manam ou du moins du lay bo xamantene mën na refuté waxu ñi wax né malaka la mënu ko refuté wax jojju mënu ko dakk au moment où iblis mu ci jëmmé bopom dafa nékkon ci malaka yi amon fa place bu mag suuf manam bu doon jinné dong la mais du mëna vivre ci biir malaka yi nan la doon nekk ci malaka yi nak la mëna nekk yor place bu mag bobu mu doon yor di nek sen president danaka yor kristif geek yoy nek ak ñom nek ci asaman yi dundul ci kaw suuf ci nekul won ci kaw suuf mais ci asaman yi maintenant nak mu am yenen yo xamantene ay wax la yu ñuy wax comme aljann yi nga xamantene mom lañuy wax ne d'ailleurs lolu bokku na ci lay yi ñuy wax ne jinné la manam ke ni jinné niñ leen bindé ak fiñu bindé malaka yi duñ ben mais lolu batay dakunté wul ak le fait que iblis melone ni ba pare ñu soppi manam caractéristique jëmum bi yépp ñu soppi ko au lieu mu nek lèr légui mu soppé ku nek tak tak lool batay dakunté wul manam du pour notal waxu ñu pour notal ni malaka la mais c'est juste que pour wax né buñu woyo fal xélo borom xam xam yi nga xam né dañuy wax né malaka la ñu japp automatiquement né que iblis jinn voilà d'ailleurs dafa am bénn problème bu ci am moy né ñu ndëk ni ñom dañ doon wax né malaka la ëpp ci borom xam yu ndëk yi mais ñëpp fouf dañ doon wax né malaka la bo démé ci tir tafsir lool lañ wax tir tafsir dem ak nga xol dañ nal da ngay gis bu ñuy wax dañ nal la li ëpp ci borom xam xam yu jumhur ci tafsir kat yi dañ né malaka la amna nak ñu wax ni jinn la nangam la nga gis ñuy tax non lañuy wax tafsir kat yi lool lañuy waxe mais bu fekkenté né mais loolu ñi mujjuñ ñom da ngay gis ñu wax né ñuy notal manam manam ñu jëk ñi liñ daan notal moy né malaka la ñu mujjuñ di notal né jinn la ñu mujj ni di notal ni jinn la mais sans pour autant jël ben position haqiqatan ñu ñëk ni ñoo ëppon xam xam ni mujj ni ah non koku mom voilà voilà kon ñu ñëk ni liñ doon wax ñoo daan nañu gis ak di xam lo xam ni ñu mujj ni xamu ñu ko wona xamu ñu ko de gisunu ko donc buñu woyofal ak doyedal seen xel ak seen xalaat ci wax naan leen nga gis ci ku ci wax ju gëna graw andak ne alquran ne na kana min al jinn ndeysaan nga gis borom xam xam bo xamantene ñeme na taxaw naan iblis malaka ya subhana rabbi legi ah manam woyofal doyedal parce que lolu point la bu am bu mata baye xel point la bu important il faut ñu def ci attention té ñun c'est que ñun ñu muju ni dañuy faral di def njumte gu metti ci buntu bobu ñu jëk ni mënu ñu musa ko waré ba ëpp leen xam xam mënu ñu musa ko waané ba def ko man dañ léegi la nga gis kenn ci ñu jëk ni ci ñu muju ni ëpp xam xam ci ñenn ñenn ci ñu mujju ci ñu ñëk ñi waaw kenn kenn ñenn ñenn ci ñu mujju ñi ëpp xam xam ñenn ñenn ci ñu ñëk ñi mais buñu leen jëlé dans leur globalité ñu ñëk ñi ñu ëpp xam xam ñu mujju non seulement ñu leen ëpp xam xam tiré la wax tiré xam xam yi ne ci tiré yi comme niko gaay di waxé différence bu en réalité amul différence xam xam bu ne ci tiré bu ne ko ci tiré amul différence xam xam xam xam madama mën nañ ko tuddé xam xam xam xam la yi gaay di wax yépp nanu la ca gannaaw tiré yi en réalité yoy yépp ay waxu waxu chaankar la yi gaay di wax nan la ca gannaaw tiré yi le diw samba di wax ñom samba mom la tek mani li waxuma lu sambay wax mo wax la ne la téré sangam mi ci wax mais c'est vrai bu féké limi wax xam xam la man bo mu ko waxé ne ma samba day wax ci nangam mani la téré sangam mang cey wax voilà manam lima la bëgg wax fofu moy amul différence entre bu féké limi wax xam xam la am man ak soudé day jabatu manam langue de bois wax wax ju amul solo téguwul fenn nga xamantene wax mais c'est vrai lolou kokou boudé lolou rek la kokou mom jarou muy nek ci téré effectivement parce que dou nek ci téré et bien évidemment dou nek ci téré parce que kenn yamul nit ñi bay bindé yu wax ci xaar yoy ci téré hein voilà légui ce panna bu fekkene téré la xam xam la bu wër day xam xam bu wër amna yo xamantene effectivement buñ koy di bind ci téré yi mais lool ay détails la ci biir xam xam bi mais pas xam xam bi en tant que tel parce que au moins dañ di def mention té amna lu tongam lu tudd nangam day wax ci nangam voilà leena nga gis nga loolu xam xamu jinné bind nañ ci téré gaay loolu xam xamu jinné lo fi deg ñu nan la même xam xam walu yu mag yeek yoy bo demé ci téré nitu yalla yu mag di gis ñu ci wax di ci develop lool mom loola ci way wax daf la bëgg triangle rek mais affaire yi mom amul différence entre nan xam xam bi mi ngi ci téré xam xam bi nekul ci téré loolu amul voilà maintenant nak amna ay détails ci biir xam xam yi yo xamantene effectivement kenn waru koy bind kenn waru koy ki et cetera lolu amna mais lolu tamit do deg ku koy waxtane aussi hein do deg voilà niñ ko wara meuna ñak bindé ci téré ni lañ koy wara baña waxtane aussi ci mbolo c'est la même chose mais buñ démé ba war ko wax nak li ci téré ak la ci gëna téré différence bobu mom waxu jëf waxi chaaxan la daye sax man wolof yi rek lay deg ni wax lo voilà yalla yalla sax voilà légui légui mu dess mais ñu ñëk ni liñ amone ci ay information yo xamanteni jotuñu ko ñun jotuñu ko mo gëna bëri té ñom niñ amé won mémise ci xam xam ak xéxi xam xam yi mo gënon dëgeur ke ñun niñ ko amé ñu mujju ni ak ko ci mëna jël nak lu mu loxo naw mënoko comparé ñu dik ñi dé tay fi mu toll dama lay jox exemple bu ndaw non waxuma ñom Bukhari non waxuma ñom Bukhari mais par exemple Ibn Hajar Al-Hasib Ibn Hajar rahimahullah amul kenn ci ñu mujju ñu koku mën comparer ci hadith amul An-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullah ci fiqh amul kenn koku mëna comparer non c'est que dafa am yo xamni dafa non manam jarul manam démonstration jant bu genn la jant ndjollo kenn du ne luy preuve bi parce que dafa genn bu mi ngi ni voilà lu ne fang kenn du ko jex Voilà. Voilà. Imam al-Ash'ari. Voilà, al-Ghazali. Ci ilmul kalam al-Ghazali. Amul kenn ci ñu mujju ñuko ko mëne comparer. Amul. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Et cetera. Waxuma la nak bu fekkante ne man tay xolal ci bo ñëwé ci tafsir nga jël exemple ku melni al-Qurtubi wala al-Alusi wala ñu melni ñom manam ay mom akum Suyuti ñom Suyuti rahmatullah alayhi ni mëno len comparer ni kenen non tay fim toll amna yenn xétu xam xam yu xoot yo ibn arabiy mais mëno ko ci comparer kenen ci ñew ci ginnaw c'est que yoyu ci sou les réalités manam lu defang la kenn du ko jeex fim toll bo ne won lolu du deug ñu la indil contre exemple nga tek ko fim toll borom xam xam bu ko gis daf lay jappé comme si né yow sa bop nekou fi non mais c'est une réalité il faut pas que ñu naw suñu bop à un moment non il faut que ñu xam ñu mën réaliser ñu xam né li mo am c'est une réalité voilà c'est une réalité voilà c'est une réalité tay wax ba comme bo jele ku mel num tudu al hafiz ibn abd al bar ahmad al hafiz ibn abd al bar wa me nga compare ko par wala al qadi ya hol qadi ya tay am na yenn domaine comme ci wala hafiz abd al ghani par exemple hafiz abd al ghani wala al hafiz al mizzi comme ñoon tu vois le hadith par exemple mais mënou ko comparer ak ñu muju ni mais c'est impossible c'est pas possible c'est à dire que am yo manam limu ci djublu won moy ni buñu naw manam ñu muju ni il faut pas que ñu naw seen mbop bay woyofal li ñu ñëk ñu notal Voilà, force est de reconnaître que nous n'avons pas de problème. Je ne sais pas ce que c'est à travers cette théorie. Je ne sais pas ce que nous avons fait, ce que nous savons, c'est ce que nous avons fait. Vous avez déjà, si vous avez globalement, d'ailleurs, nous avons dit que nous avons fait globalement Salafi, les trois premières générations, nous avons fait un Salafi. À partir de génération bob lan ngay xalat ci ñi nga xamantene ñom ci siècle bi lañ nek manam lool la ci djublu won sama wax yi nak moy ñi nga xamne ci siècle bi ñu nek lañ nek wala siècle juste bi ko jitu tuti mais surtout bi ñu nek voilà à partir de 1950 lañ ci nek wala yu mel non ñoñu mënu ñu naw waru ñu naw seen bop bay di notal lo xamantene ñu jëk ñe manam dafa wuti ñu jëk ñe lañ doon wax il faut ñu xamne wala mënu nek wala lool moy de manière générale légui nak waxuma la de manière particulière motax ñun war nañ def attention ci lool war nañ def attention trop ci lool ñu bëri nak ci ñun légui doof ñu defat attention ci lool voilà maintenant nak waxu ñu né ku japp né jinné la kéni dafa kéni lim wax du non dafa joom dé waxu ñu lool dé ku japp ne iblis di ne dafa djum waxuma lool limay wax len rek la moy ke ni japp yum japp ne djinni la ak argument yep lu meuna don bu mu dem ba japp ne ñay wax ne malaka la xana liruñu alquran ak xana nangam ak lay dafa leer ak xet yoyu dedet amul kenn ci ñun ku mëna taxaw faire valoir bopam ci kanam Ibn Abbas radi Allah anhu du ñun d'ailleurs du ñu jitu ñun du ñun du ñi ñu jitu ñun amul ku ko ci man Ibn Abbas radi Allah anhu limu am ci tafsir ci xam xam bobu kenn am ko ci ñi nekk ci ginnaw ak lim ci représente titre habrul umma foori xet bi tarjumaal alquran moy ki nga xamantene moy lantinoor alquran titre bobu mbolam borox xom ñu dak reconnaître nañ ko ak nitu yalla amul kenn ku ci déroger à la règle kep ko xamantene da ngay douté ci né Ibn Abbas lool la rañ na yow ci sa bop dañuy xolaat sa njulité bu dé ci borox xom la wax parce que lu bolem borox xom yi d'accord la dañuy xolaat sa sincérité dañuy xolaat sa voilà voilà lool nak cela ne veut pas dire que ni waxam yépp borox xom yépp dañ ci and tekki lu lool mais limi tekki moy quand même ñuy am retenue ci exemple am la joxe rek mais ci ñu jëk ñi seul ay wax et que ñu xamné ñom doonu ñu won melu ñu won comme ñun nga xamantene parfois dañuy wax lo xamné dañ koy tek ci suñu xalaat suñu xel rek ak liñu yaakaar ñom ci leeru yalla lañ daan waxe leer yenté bi sallallahu alayhi wasallam lañ daan waxe ak ci lo xamantene lu wër wër la parce que ñëmi wuñu won di aventurer wu di wax ci diiné yalla di lo xamantene seen xalaatum kessé la téggu daal ñu ko def والله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين